tient plus en place. Elle est partie. Non, c'est pas vrai. Si. Je ne chante plus, cherche du travail à l'usine et une copine. Je disparais, mais l'état

création. Pour ma part pareil, c'est sûrement de cette façon que certains pensent avancer stratégiquement. La danser, c'est vraiment merdique, man. Faudrait penser à changer de rythmique avant. Au penchant pour la musique, pas blanc, porte sur votre propre personne. Les autres, ça arrive de même, personne ne sait vraiment. Car ça des boules bedang, bedin, bang. Si tu fais ta porte, mais en fait, tu sais même pas ce qu'il fait pour la danse, si tu sens le maison. Bâtard, la musique en vrac, c'est ce que tu produis pendant. Tu t'enlèves la frappe sur un beat chiqui. J'attends juste le bon moment, c'est à montrer c'est qui va régler ton corps à coups de piquet. Je ressemble à quoi? Je ressemble à qui? Les masqués derrière l'ordi à qui? Je ressemble à quoi? Personne n'en saute dans la voix, mais quoi? Tu me connais pas, c'est Kick Pistler! Moi jamais perdre la voix. Je ressemble à quoi? Je ressemble à qui? Rien qui va sur les produits à qui? Je ressemble à quoi? Personne n'en saute dans la voix, mais quoi? Tu me connais pas, c'est Kick Pistler! On veut les faire à la voix! J'ai peut-être plus, j'ai de la vie, j'ai peut-être un peu straight up. Je sais, j'ai pas grand chose à envie, mais j'essaie de faire un peu changer les mentalités. J'm'en viens, j'm'en viens là, je t'engage naturellement. J'étais juste un peu enragé. Change pas la vie, mes voix avant de parler. J'ai quelque chose à dire, je l'écris fort au point de déranger. De ma vie inhabituelle, sans ma créativité. Prestation visuelle, sans faire semblant d'éviter. Les propos jeunes en état pour les trop d'idées. J'ai aucun prénom à faire à vous, c'est le plus fixé. Il faut s'aider dans notre club, ouais c'est évident. Parce que j'aime vraiment s'écrier tout ce qui me refait en dedans. Sans aucune gêne, vraiment, sans aucun remords non plus. Je trouve ça surprenant, mais moi c'est le rêve qui me tue. Je ressemble à quoi? Je ressemble à qui? Bien masqué derrière l'ordi à qui? Je ressemble à quoi? Personne n'en saute dans la voix, mais quoi? Tu connais pas, c'est Kick Pistler. Jamais faire la voix, je sens ma voix, je sens ma qui, rien qui passe par les produits à qui, je sens ma voix, personne n'en saute à la voix, mais voix, tu me connais pas, c'est Kick Pistler, on veut les faire la voix. Avec votre poil de tosse, je suis respectueuse. Ton tamar, c'est une fouteuse. Tout équipe pour me parler quand tu veux pas travailler. Va dans ton sac de boss cosmique. Une spot, j'ai de la musique. Prise à ce fucking hippie. Puis ton crise de patchouli. Ou bien les os colons qui ont cuit une gamme de ton. Qui m'approche plein de passion. Avec des répliques de fion. Quand ton mic, on se fasse arrêt. Pensais-tu que ça marcherait? La poche du coffre à l'intense. C'est ton signe si tu balances. C'est style gothique, tu me rends sec. Mais tu veux mourir. Tu joues à Donjon Dragon Soir. Bon, c'est pour toi. C'est pas des mots de désarroi. Des petits millions par mar. Entre deux histoires de part. So, every stage, j'en ai trop rien à crisser. Quand tu seras habillé, tu pourras me faire chier. Bah, t'en as pas, moi, j'espère. Bon, va rien, si je suis là. Parce que tout ce que je te dis, c'est faut qu'il faut qu'il m'existe. So, whatever you say, j'en ai trop rien à crisser. Quand tu seras habillé, tu pourras me faire chier. Bah, t'en as pas, moi, j'espère. Bon, va rien, si je suis là. Parce que tout ce que je te dis, c'est faut qu'il m'existe. Ça, je serais pas ton pénis, mal payé les 7 piastres, un crissant des coups d'en face. Tu veux pas être comédien, tu mets-tu pour bien le chien, t'exprimes des émotions en émettant des sons. Ta limite autour de l'homme est constée de façon, fais ton partage des idées avec tes camarades gays. Le rose avance en ligne, la balle du lac des singles, pour les bits, t'allais faire des ponts en céramique, faire de la couture sur soi, méditer quand tu vibres, macramé origami, what the fuck, une fois que c'est dit. J'allais les salopettes, les souliers, pour tuettes, les clowns, les mimes, le six mode de gym, les max pis des musées, toutes les mêmes affaires à chier, j'aimerais mieux manger mon foie que d'adhérer à cette marmite. So, whatever you say, j'en ai trop rien à crisser. Quand tu seras habillé, tu pourras me faire chier. Maintenant, pas moi, j'espère. Bon, va rien, c'est chier. Parce que moi, tout ce que je te dis, c'est faut qu'il m'estime.